Retour en force, joueur de l'homme, non, rien n'a changé. Je réamorce la bombe, je remets le couvert, tu vas manger. Brûlant, pas de face de vieux croulant, j'en fais toujours autant. Je prends de l'âge et pourtant, je t'en donne encore pour ton argent. Syndrome de l'ado, donc nique sa mère, Peter Pan. J'ai plus les mêmes abdos, donc je te prends en rappant. Rime éternelle comme diamant, comme avant, adolescent. Non pas en crise, mais en perpétuel développement. Sur le retour pourtant, je descends toujours pas la pente. Je fais un petit détour au sommet avec mes petites plantes. J'ai pris du recul pour mieux sauter. J'étais dans la lune, calcule mon tour sur terre pour pas me vautrer. Ton âge de la raison, tu peux te mettre dans le fion. Je suis toujours avec mes comics, PlayStation à la maison. Je m'en fume, je me mets des races comme un gamin. J'ai les mêmes mauvaises habitudes et je trouve ça malin. Pour couper court à tout discours. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai qu'on joue pas dans la même cour. T'es sourd ou quoi, nous on est sur le retour. Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, ouais, toujours à plein bourre. Pour couper court à tout discours. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai qu'on joue pas dans la même cour. T'es sourd ou quoi, nous on est sur le retour. Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, ouais, toujours à plein bourre. Y'en a plus, y'en a encore, on est revenu péter les scores. Des kilomètres au compteur, c'est sans fin, monte à bord. Y'en a plus, c'est quand on a fourni l'effort. Fourbi, faut pas omettre le tempo, le rythme et l'heure de ta mort. Deux seniors qui vont t'en donner encore pour des décennies. On a la fontaine, j'ai le calice, on rappe à l'infini. Ce que t'ignores, c'est qu'on passe pas d'ignare à génie en un claquement de doigts. J'ai mis la main, le bras et là c'est pas fini. Pour couper court à tout discours. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai qu'on joue pas dans la même cour. T'es sourd ou quoi, nous on est sur le retour. Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, ouais, toujours à pleine bourre. J'aurais dû remballer, j'ai préféré dire andale, andale. C'est pas pour nada que je speed, microphone à caparé. On m'a dit fada, madango foutare. Si tu veux me rattraper, t'as qu'à me préparer. Plus rien à réparer, j'suis déjà tout cassé. Des années et des années passées à tout dégueulasser. Alors j'suis dépassé, plutôt embarrassé. Voir que rares sont les heureux élus venus pour nous remplacer. J'aurais dû en finir, mais j'vois que le présent pas l'avenir. Des plans sur la comète, mon univers ne peut les faire vieillir. Des feuilles vierges vont encore se remplir. Et des salles de concert vides de monde vont s'emplir. Tant qu'on aura des mics et des sampleurs, nos voix ne cesseront de prendre de l'ampleur. Folie des glandeurs, sans soucis, sans peur. Racira, c'est tout dépend de ton ordre de grandeur. Pour couper court à tout discours. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai qu'on joue pas dans la même cour. T'es sourd ou quoi, nous on est sur le retour. Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, ouais, toujours à plein bourre. Pour couper court à tout discours. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai qu'on joue pas dans la même cour. T'es sourd ou quoi, nous on est sur le retour. Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, ouais, toujours à plein bourre. Y'en a plus, y'en a encore. Bienvenue, péter les scores, des kilomètres au compteur, c'est sans fin, monte à bord. Quand tu en as plus, c'est quand on a fourni l'effort. Fourbi, faut pas omettre le tempo, le rythme et l'heure de ta mort. Deux seniors qui m'ont donné encore pour des décennies. On a la fontaine, j'ai le calice, on rappe à l'infini. Ce que t'ignores, c'est qu'on passe pas d'ignare à génie en un claquement de doigts. J'ai mis la main, le bras et là c'est pas.